叫叫。 喂，爱你，喂，爱你。呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀呀 呀呀呀呀 呀呀呀呀呀 呀呀呀呀呀呀呀 呀呀呀呀呀呀呀呀 呀呀呀呀呀 Ciao. Tu crois que t'es bonne, allez la chape. Tu mérites même pas le cul du joint. Rajoute 500 avant le abba. Tu proposes de l'aide quand j'en ai plus besoin. Pourquoi tu nous yeux trop noirs, Zarma t'as pas reconnu. Ça t'a rendu fier de moi, problème financier résolu. 0000 après la virgule et je m'en baisse. Je m'endormirai dans un télo avec une bitch star le milliardaire. Je pète sous flagage avant le showcase. Le bénéfice haram, le gras de cocaïne. Mon équipe est foncée dans le carré vide. S'il y a pas garni, dis paraît-il. Dans la promenade, tu ne sortais pas, paraît-il. Tu me portes l'œil, je viserai ta rétine. On n'est pas là pour du cinéma, nous on veut mailler, mailler, finir sur une île. La papette, elle frotte, Y, Z en I. Tout droit, je marche sur une ligne. On n'est pas là pour faire la mala, on les baisse tous. Fais pas d'arma à tous, tu nous vois pas dans le V12. Tu nous vois pas dans le V12. Mon équipe est chez tout, reste de couper à la dégoût. Avec ceci on refait le monde, on refait le monde. Avec des sous on se refait tout court, on se refait tout court. Avec des si on refait le monde, on refait le monde. Avec des sous on se refait tout court. Bah je refais, bah je refais, plus que refaire, plus que refaire, totalement refaire, totalement refaire, totalement refaire, refaire, refaire, refaire, refaire. Bah oui je refais, bah je refais, totalement refaire, bah je refais, plus que refaire, totalement refaire, refaire, refaire, refaire, refaire. T'as pas de team, t'as pas de team. T'es resté trop longtemps assise. Rappel dans le noir si t'es raciste. On n'aime pas les bleus et leurs insignes. Midi je refais, midi je refais. Je refais mes lacets. Ton audition je la signe. Jamais ta main je la serre. Ambiancé ce soir on sort de la tête. On se refait. Billet le jeu dans la chapeau du jean. On se refait. Les Yaralé nous regardent dans le fond du club. On est frais. Les gens qui veulent la double de Medellin. On se refait. Elle veut mes sous, elle veut mon cœur. Elle n'aura aucun des deux. Faut compter le rouge, faut compter le bleu. Je n'ai rien trouvé de mieux. Elle veut s'asseoir sur mes genoux, elle veut s'asseoir sur mon ballon. Sur le terrain il n'y a que nous, police judiciaire dans les gradins. Nouveau fer, nouvelle, putain dans l'hôtel. Tu refais, j'en fais qu'à ma tête. Je ralentis l'enquête, il est fait. Pareil pour la guerre, et ça depuis longtemps. Comme time is money, je peux pas perdre mon temps. Avec ces si on refait le monde, on refait le monde. Avec des sous on se refait tout court, on se refait tout court. Avec des si on refait le monde, on refait le monde. Avec des sous on se refait tout court. Bah ouais je suis refait, ouais je suis refait. Plus que refait, plus que refait. Totalement refait, totalement refait. Tellement refait, refait, refait, refait, refait. Bah oui refait, bah ouais je suis refait, bah ouais je suis refait. Plus que refait, plus que refait. Totalement refait, refait, refait, refait, refait. Allez mon air, allez. Dans. Tu me connais à la base, je suis pas dedans. Les histoires d'amour, je n'ai pas le temps.